Elle aurait dû passer la mer, rejoindre la terre promise. Tu savais que ce serait éphémère. Elle a défait ses valises. Tu l'as paraît-il mise sur ma route au bon moment, je crois. Tu lui as enlevé tous ses doutes, sachant qu'elle était faite pour moi. J'ai pas réalisé tout de suite à quel point t'avais raison. T'as dû avoir peur de ma fuite en me montrant la passion. Alors, merci Pietro, car toi de là-haut, tu m'as montré la voie. Tu devais savoir que tout allait bien. T'as relâché la pression. T'as dû retrouver des copains, avoir d'autres distractions. Tranquille là-haut sur ton nuage, t'as pas vu venir ce qui est arrivé. T'as peut-être cru qu'on resterait sage, mais même là-haut on peut se tromper. Et puis un beau soir de septembre, c'est toi qui m'as ouvert les yeux et qui m'as fait comprendre.